Chapitre 7e. Quand on connaissait Antoine, on savait combien tendrement il aimait sa fille, et personne n'aurait jamais cru qu'il pouvait rester insensible à ce qui la concernait. Cependant, lorsqu'il fut arrivé dans le cabinet de travail où le colonel l'avait conduit, ce ne fut pas de Thérèse qu'il parla, ce fut d'Anatole. Thérèse, il la quittait et n'éprouvait aucun souci pour elle. Si le colonel voulait lui parler d'elle, sans doute c'était à propos de son installation et de son séjour dans cette maison. Sujet intéressant assurément, mais qui n'offrait rien de pressant. Combien au contraire étaient pleins d'angoisse les soucis que lui inspirait Anatole. « Vous l'avez vu, dit-il, où ? Ici, à Paris. Quand ? Il y a 6 semaines. Parlez-moi de lui, je vous prie. Vous me direz après ce qui concerne Thérèse. Pour elle, je ne suis pas inquiet, la chère enfant, tandis que pour lui, je tremble. » Et de fait, ses mains étaient agitées d'un frémissement fébrile. Son visage, malgré le hâle qu'il avait tanné, avait pâli. Il se tenait debout, appuyé contre la table de travail du colonel, dans l'attitude d'un coupable qui attend sa condamnation. Le colonel alors raconta comment il avait aperçu Anatole dans les manifestations qui avaient précédé la déclaration de guerre, assis à côté du sénateur comte Roqueblave. « Quels sont donc les liens qu'il attache à ce personnage ? » demanda Antoine. Le colonel répondit qu'il ne connaissait pas ses liens. Le comte criait « À Berlin !» et Anatole, penché de l'autre côté de la voiture, criait « Vive l'empereur !»« Et je suis son père. Il porte notre nom. » Bien que la calèche dans laquelle il se trouvait ait passé tout près de moi, il ne m'a pas aperçu. « Mais comment est-il en France ? Cela, je n'en sais rien. Je veux dire, comment n'est-il pas inquiété à propos de la tentative d'assassinat dont vous avez été victime ? Sans dire que je l'avais vu, j'ai interrogé le juge d'instruction qui s'était occupé de cette affaire. Mais M. le Méauté n'est plus juge d'instruction. Il vient d'être nommé conseiller. Il m'a dit qu'on avait renoncé à poursuivre les complices du pauvre diable que j'ai tué, attendu que celui qui paraissait être le plus sérieusement compromis, ce fameux Fourier de qui je vous ai parlé, avait disparu, sans qu'il fût possible de savoir ce qu'il était devenu. Quant à Anatole, M. le Méauté n'a fait aucune difficulté de reconnaître qu'il s'était trompé à son égard. Il n'y avait pas de charge contre lui, mais seulement des inductions plus ou moins problématiques. Un soupir s'échappa de la poitrine gonflée d'Antoine. Pendant longtemps, M. le Méauté s'était obstinément cramponné à ses inductions. Mais à la fin, il avait dû céder à l'évidence. Anatole était pleinement innocent, et il paraît même que ce comte Roqueblave s'est très activement occupé d'établir cette innocence. C'est à ces démarches qu'est due la disparition des soupçons du juge d'instruction. Vous voyez qu'Anatole peut être attaché au comte Roqueblave par le lien de la reconnaissance. Enfin, vous voyez que j'avais raison de me refuser à admettre les soupçons qu'on élevait contre lui, et que son innocence était certaine. Elle éclate aujourd'hui. Antoine, au lieu de manifester toute sa joie à cette bonne nouvelle, resta sombre, les yeux attachés sur une fleur du tapis. Puis, tout à coup, relevant la tête, « Elle éclate pour vous ? » dit-il d'une voix sourde. « Mais certainement. Sans doute aucun. Voulez-vous que je sois plus incrédule qu'un juge d'instruction alors que ce juge est M. le Méauté, le soupçon incarné ? Oh, ce juge d'instruction ! Eh bien quoi ? Je ne sais pas. Mais vous avez raison. Je dois croire que vous avez raison. » Et il se secoua brusquement en se passant à plusieurs reprises les mains sur les yeux comme pour chasser une vision qui s'imposait à lui. Puis, ayant fait à grands pas le tour de la pièce, il revint devant son neveu et s'asseyant violemment. « Parlez-moi de Thérèse, je vous prie. D'elle, on peut tout dire, et à l'avance, je sais que je peux tout entendre. Je vous écoute. » Pour ce qu'il avait à dire, le colonel aurait désiré des dispositions plus calmes chez son oncle. Mais il avait demandé lui-même cet entretien, et il ne pouvait pas maintenant le retarder. Il fallait donc se décider. « Avant de vous parler de ma cousine, dit-il après s'être recueilli un moment. « J'ai à vous entretenir de moi et de mon père. Je vous ai raconté comment, à son lit de mort, mon pauvre père m'avait parlé de vous, en quels termes affectueux et avec quelle sollicitude. Mais je ne vous ai pas tout dit. Voici ces dernières paroles, que je dois maintenant vous répéter textuellement. Si je suis devenu un homme, c'est à mon frère Antoine que je le dois. Antoine est un modèle de droiture, d'honneur et de dévouement. Brave frère. Ce sont ses propres paroles, il faut que vous les connaissiez. » Il continua. « Si les circonstances de la vie nous ont séparés, et si je ne l'ai pas revu depuis 30 ans, il n'en est pas moins pour moi un frère chéri. Mieux qu'un frère, un père. Oui, nous nous sommes bien aimés. Antoine a une fille, me dit-il, qui en ce moment doit être âgée d'environ 15 ans. Vas à Paris, vois cet enfant, et si elle te plaît, épouse-la. Tu paieras ma dette envers mon frère. Comment ? S'écria Antoine. Il a dit cela ? Il a eu une pareille idée ? Je vous rapporte les mots mêmes dont il s'est servi. Il ajouta. Ce n'est point un ordre que je te donne, ni une volonté que je t'impose. Je ne sais ce qu'est ma nièce, si elle peut te plaire ou si elle est digne de toi. Antoine n'a pas eu, comme moi, la chance de faire fortune. Il est resté ouvrier. Mais quelle que soit sa position, je suis sûr qu'il a élevé sa fille dans des idées de devoir et d'honneur, qu'il en a fait une honnête fille, une femme de cœur. À moins d'avoir rencontré en elle une mauvaise nature, ce qui n'est pas probable. Va donc à Paris, vois Thérèse, et ne te marie pas avec une autre sans savoir si celle-ci peut être ta femme. Je vins à Paris, et si je ne vous rapportais point alors ces paroles, c'est que j'avais des raisons pour les cacher. Ces raisons, il suffit, interrompit Antoine. Non, il ne suffit pas. Il faut que vous les connaissiez. Ces raisons, ou plutôt cette raison, consistait en ceci, que je voulais avant tout voir celle que mon père souhaitait que je prisse pour femme et l'étudier. J'avais jusqu'à ce jour fort peu pensé au mariage, mais cependant j'avais à ce sujet une idée bien arrêtée. Je voulais aimer celle que j'épouserais et je voulais qu'elle m'aimât. M'était-il possible d'aimer ma cousine ? Était-il possible qu'elle-même m'aimât ? C'était ce qu'avant tout je tenais à examiner. C'était d'ailleurs le conseil de mon père que je suivais en agissant ainsi, car il ne m'avait pas dit « Tu épouseras la fille d'Antoine, mais tu verras si tu peux l'épouser. » Je crus donc être sage et prudent en me faisant une loi de cet examen. Je fus fou. Je vis Thérèse, je la trouvai charmante, et bien qu'elle ne fût qu'une enfant, il ne me parut pas du tout impossible, dès notre première entrevue, qu'elle fît naître en moi l'amour que je voulais avant tout trouver dans mon cœur. Ce sentiment s'accrut vite, et bientôt il devint une véritable tendresse. Mais en même temps que j'apprenais à connaître Thérèse, je faisais la connaissance de quelqu'un qui la touchait de près. Ici, mon cher oncle, je suis obligé d'aborder un sujet pour vous cruel, mais il faut que je vous impose cette douleur. Connu Anatole, j'eus peur, et je me demandais si la sœur ne pouvait pas ressembler au frère. Vous avez eu cette pensée, ô Édouard ? Je ne vous connaissais pas. Je ne connaissais pas Thérèse. Quelle était cette jeune fille de 16 ans ? Que serait-elle quand elle aurait l'âge de son frère ? Avant d'engager ma vie, je voulus éclaircir ce point pour moi effrayant, et je résolus d'attendre. Mais je ne fus qu'un mauvais juge. Cette tendresse dont je vous parlais tout à l'heure devenait de jour en jour plus vive. Et ce n'était pas avec les yeux d'un homme qui ne cherche que la vérité que je regardais Thérèse. Près d'elle, je n'étais maître ni de ma raison ni de mon sang-froid. Je voulus alors m'éloigner, non pour renoncer à elle, mais pour attendre, et ne pas céder aux sentiments qui m'entraînaient vers elle, sans que je pusse y résister et qui m'aveuglaient. Je m'éloignai en effet de vous, mais ce que j'avais cru n'être qu'un simple caprice devint une passion. Ce qu'il advint de cette passion, je vous demande à ne pas le dire. Elle s'est rompue et, libre, j'ai pu revenir à celle que je n'avais jamais cessé d'aimer et que je connaissais maintenant, que je jugeais, que j'appréciais comme elle le mérite. Voilà pourquoi, mon cher oncle, obéissant au désir de mon père et en même temps obéissant aussi à mon amour, je vous demande de me donner Thérèse pour femme et de m'accepter pour fils. »